Tes petits mots sur la buée de la salle de bain, ton petit regard et ton sourire un peu en coin, tes petits gestes, ces petits riens du quotidien font que je t'aime. Quand tu mails au lieu d'email, ça me va bien. Quand tu ne sais pas, quand tu dis rien, j'aime bien quand même. Et le matin, ou même si t'as mauvaise haleine, eh bien je t'aime. Toute la journée à mon pifret de caramel, à voir des gens qui ne t'arrivent pas aux petits orteils, j'ai tellement hâte de retrouver notre chaumière, parce que je t'aime. J'imagine déjà l'odeur entrant. Tiens, c'est bizarre, on dirait bien du parmesan. Ça va changer des tortellini aux gruyères, et moi je t'aime. Y'a pas de raison que ça tourne à l'envers, on ne changera pas la rotation de la terre. Et si parfois on peut douter de nous, je te répondrai que je t'aime et puis c'est tout. Tes petits mots sur la buée de la salle de bain, ton petit regard et ton sourire un peu en coin, tes petits gestes, ces petits riens du quotidien font que je t'aime.